Non pas cet Antoine, non pas la prière, non pas cet Antoine, trompé de village, pas de côté non pas cet Antoine, non pas la prière, non pas cet Antoine, trompé de village, pas de côté yo dis moins comme ça, sans s'être aimé ça, depuis où bien la foi, la pièce cet Antoine. Yo dis-moi comme ça, sans s'imprimer ça. Depuis où bien la foi, la pièce à toi, la passe à besoin. Saint-Antoine, ma vie en pierre, pour prendre la sac de bois. Wamba non kode. C'est Antoine. Ma fille non vie. Wamba sac de bois. Wamba non kode. C'est Antoine papa. Vinan pou vin la bouye. Mon kalite moun de boutan de monte cet adouan. Le monte a konta l'on kleren. Yal tombe bouye yo sou. Yo bine si se la bouye yo tal la bouye. Bon lot se yi moun men men ka cet adouan. Se pa pou lot bagay. Yal ve moun. Pi al ka se zote pi se yon pou yal fe fetish. Bon lot seri moun men men prasen tan toan se va pou lot bagay. Sa se madame yo kote kite yo nan kay. Sa yo nan ka. Fou yo fout nan ka. A la bagay ki di. Se non nom m'habite nan kay yo. Madame ou sorti. E pou moun ret nan kay la fe la navet. La sal ki. Chita vit en décoré. Il go prendre bon bon. Et pour quand malheur dans l'eau. Il dans l'eau. Ça quoi fi a dit camarade là. Oh chéri. Au grand pas dans ma dorme hier soir mon rêve. J'ai dit oh. Qui rêve vous fait? C'est pas bolette. Faut m'en dire non. Ça plus important pas c'est bolette. Je ne ben, je raconte ma ou qui sortait ou en a dormi. Oh oui, trouvez moi ces 5 ans pour aller pour aller faire une prière pour vous, pour se voir j'ai un petit job, pour être capable de m'aider avec Timounio. Mon nom est Timounio, le grand femme d'amour qui réfléchit comme ça, ça vous dit. C'est madame pour là, et vous t'en allez à Nandlo. Il Nandlo. Ça va faire une société de vie. Eh bien chérie, allez non. Et puis la fille arrive à cet endroit, c'est pas ça la régler. Là elle fait radiographie. Là elle rachète dans derrière. Là elle baille la donne. Cet endroit, papa. Bonjour, je vous fais bien bêtise, Jocelyne. Oui.